vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Yes. On parle de thé de cuisine avec Xavier. Et on parle de sport avec Nicolas Ducharme. C'est l'assemblage requis. Ça commence ce matin là, là, à 8h. Non. Bonjour et bienvenue à l'assemblage requis en ce lundi 7 novembre 2011. Il est 8h03. Non. Blague. C'est l'heure reculée de l'Est. L'heure reculée, j'aime ça. Donc, lundi 7 novembre, moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Oui, bon matin, François. Bon matin, Mathieu. Hey, c'est le fun, on a retrouvé le soleil le matin. Oui, ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. C'est assez différent comme, ouais, comme début de journée, je trouve. Exact. Ça devrait rester comme ça, je trouve. Ah, idéalement. Ça sert à quoi l'heure avancée déjà en 2011, hein? Je sais pas, hein. C'était pour les fermiers à la base? Oui, en 2011, par contre, pas sûr. Hein, c'est... Il en reste encore des fermiers. Oui, mais... ont-ils besoin de ça? Je sais pas, faudrait leur demander. Faudrait passer ça au vote à un moment donné. Hein. Ce serait pas fait. Donc, dans cette émission d'Assemblage requis, on va avoir Xavier Antoard avec sa collègue Tais-toi et cuisine à 8h. Il va nous présenter, comme toujours, un vin. Et un thé. Quand un vin ce matin. Réfléchis un peu avant de parler. Du thé avec un mets, un plat qui va avec. Que ce soit un déjeuner, un exactement. Dîner. Il nous promet beaucoup d'énergie aujourd'hui. Oui, ça un va bon compenser. D'énergie. Hein. Un petit peu d'énergie, ça va nous en donner, nous aussi. Et puis, accompagné de 3 petits points. Donc, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Ça va être une surprise. À 8h30, on a Nicolas Ducharme avec sa collègue de sport, Nicolas de l'Écho de Trois-Rivières. Hein. Exactement. Journaliste à l'Écho de Trois-Rivières. Il va nous parler, en fait, sûrement, il va faire le tour des Patriotes, obligatoirement. Hein? Non, il n'y a pas le choix, c'est ça. Pas le choix. Et puis, on va parler aussi des Canadiens aussi. Là. Ah ouais, aussi? Aussi, ouais. Vers les 8h. Parfait. Et à 7h15, avant ça, en ce début d'émission, on va avoir Kiwan en direct de l'Alberta qui va nous parler de Dan Mangan, hein, parce qu'il y a un spectacle là, de Dan Mangan. Cette semaine? Ouais. Il dit... il va nous parler de ça aujourd'hui. C'est ça. C'est un spectacle qu'il a vu, j'imagine. OK. De Dan Mangan. Ou qui s'en vient. On sait pas encore. On va lui demander tantôt. Alors, on va débuter l'émission, par contre, avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est le groupe Mauve sur leur album Cinéma Plymouth. On écoute Annie Hall à Assemblage requis, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Sur C'est fou. 89 FM. Je vais chuchoter tout le long de l'émission. something you could call up as a delegate. You spend your whole life looking on your help until one day your habits disassemble. Go on to find something else. Try telling that to your benefit. Yes, Generation and Clad de Library of Voices sur leur album Summer of Lust, assemblage requis. Maintenant, François-Louis Marchand. Mathieu Plante. Parle des choses qui vont se passer sur le campus cette semaine. Oui, exactement. Cette semaine, et je vais aller un peu plus large aussi. Ah, oh, tu ratisses comme un râteau, toi. Oui, exactement. Je ratisse les feuilles qui tombent. C'est poétique, je dirais. Écoute, non, je te parle. En fait, là, c'est en plein temps. Si vous voulez déposer votre candidature pour les bourses. Du CRSH. Le CRISH. Ouais, et le IRSC. Donc, voilà, vous êtes en plein dans les dates, là. Et puis, ça se déroule au service des études de cycle supérieur et c'est le concours de bourse des conseils fédéraux. Donc, voilà, c'est le temps. Allez-y maintenant. Maintenant ou jamais, bon. Oui, c'est ça, attendez pas trop. Non. Et puis, aujourd'hui, Mathieu, on parle en fait d'une conférence qui a lieu. D'ailleurs, Mme Caroline Lajoie, qui est conseillère de réorientation, est venue nous en parler. C'est votre carrière, développement, décision, enjeux et perspectives. Et ça se déroule à l'atrium Paul-Émile Bourdieu du pavillon Ringuet. Évidemment, c'est gratuit et ça se déroule à 13h30. Et tout ça, en fait, est dans le cadre de la Semaine québécoise de l'orientation qui se tiendra du 6 au 12 novembre prochain. Les services d'orientation de l'UQTR vous convient le 7 novembre aujourd'hui. En fait, étudiants et employés de l'UQTR à une conférence intitulée « Votre carrière, développement, décision, enjeux et perspectives ». Voilà, il y a deux conférenciers invités. Monsieur Mathieu Guénette, conseiller d'orientation, consultant, auteur et conférencier. En fait, Mme Lajoie nous expliquait que lui, il est vraiment, il est sur le terrain, donc il voit en fait ce qui se passe là, du côté des employeurs et du côté en fait des étudiants, en fait ceux qui sont à la recherche d'emploi. Et puis il y a Monsieur Jules Bergeron qui lui est économiste à Emploi Québec qui présentera la réalité, les enjeux du marché de l'emploi afin de d'assurer la productivité des entreprises et le bien-être des travailleurs. Donc voilà, il va faire le tour en fait aussi des talents qui sont recherchés par les employeurs ainsi que les perspectives professionnelles selon les domaines et les niveaux de compétences. Voilà, vous aviez jusqu'à hier pour vous inscrire, mais je crois là, que si ça vous tente, il y a encore la place. Mettez-vous à genoux. Puis. Ouais, je sais pas ce qu'il faut faire, là, mais bref, asseyez-vous. D'ailleurs, il y a des prix de présence et il y a du café gratuit. Oh! Oh, Mathieu a soudainement le goût d'y aller. Soudainement, normalement. Ça se déroule à 13h30 à l'atrium Paul-Émile Bourdois du pavillon Ringuet et c'est gratuit, aujourd'hui même. Donc, présentez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aussi, Mathieu, comme à chaque lundi? C'est la Ligue Les Limpos. C'est ça, exactement. La Luitre, et ça se déroule de 20 à 22h ici même à la Chasse-Galerie. C'est gratuit. C'est un match de la saison régulière, donc présentez-vous en grand nombre. Je pense que c'est fort apprécié des étudiants. Oui. Si on va pop un peu plus loin, on parle de l'intelligence émotionnelle au travail. C'est une conférence à 7h30 le 9 novembre, donc mercredi. Le matin? Ouais, hein? Exactement. Hein? À l'hôtel et suite Le Dauphin. Je sais pas exactement c'est où, là, mais... Bref, c'est pas grave. Informez-vous, ils vont vous dire. C'est une conférence de Mme Andréane Deschaines, doctorante en psychologie. Comportement organisationnel. Et l'événement est organisé par le SPSDU de l'UQTR en partenariat avec la Jeune Chambre de commerce de Drummondville. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et puis, on va parler d'un atelier sur l'estime de soi. L'amour de soi, que ça s'intitule. Et ça se déroule de 8h30 à 11h30 le mercredi, toujours 9 novembre, au local 3002 du pavillon Ringuet. C'est gratuit. Donc voilà, en fait, là, cet atelier gratuit d'une durée de 3 heures offert par le service de psychologie propose de démystifier le concept d'estime de soi en abordant ses différentes composantes et en suggérant des exercices concrets permettant d'améliorer l'amour de soi. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez d'ailleurs visiter le www.uqtr.ca/sae-psycho ou téléphoner à Mme Hélène Rousseau au 819-376-5011, poste 6056. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup François. Ça fait plaisir Mathieu. Dans quelques minutes, on va parler avec Kiwan en direct de l'Alberta avec de la musique canadienne. C'est dans sa chronique Kiwan en cavale tantôt, mais pour l'instant on écoute Violet Pie, voici USB. 89 FM, c'est fou, c'est assemblage requis. De s'aimer dans cette douche de pixels, le plafond illuminé de lumière de Noël, c'est la même mélodie qui joue dans nos têtes. Dans ma tête, j'envoyais des messages dans les airs, reflétés par mes noms satellites. Ils s'en sont retournés sur terre, mes courriels. Oh, sirop d'érable. sont-ils compatibles? La formation Mauve avec la pièce USB sur l'album. En fait, c'est pas la formation Mauve, c'est la formation Violet Pie, mais tu vois, mauve et violet, tu sais. Ouais, ça, ça ressemble. Des couleurs. Ouais, ouais. Des fois, je mélange les deux. Ouais, hein. Ouais. Lequel est lequel? Pâle foncé. Ah, ah, je sais pas quoi faire. Eh, hey, mais c'est bon, c'est très bon. Oui. Ça a fait son entrée sur le palmarès, d'ailleurs. Ben, c'est pas pour rien. Mais non. On parle ici de la 18e position. Ah, oh, ouais. Je te le dis. Colin. Je te le dis. C'est comme deux coches en haut de la 20e, ça. Ça peut juste descendre ou monter, tout dépendant de la ça peut juste faire ce que ça veut, finalement, ouais. Ouais. C'est ça. Mais descendre. Descendre au numéro 1. Ah, descendre en termes numérologiques, mettons. Ouais, c'est ça. Sinon, monter dans le palmarès, je crois, pourrait dire. Ouais. Ouais. Mais le palmarès devrait être par en bas. Ah, j'avoue. Hein. Je sais pas. C'est mais ça l'affaire avec un décompte ou un compte, hein, tu sais. Oh. Ah, là, oh. Là, t'apportes un bon point, par exemple. Comme là, mettons qu'on irait chercher Kiwan, mettons, en Alberta. Là. C'est vers la gauche, mais c'est aussi vers l'ouest. Ouais, c'est ça. Puis là, ça dépend. Si tu veux y aller en auto, t'es mieux de partir tout de suite. Pas mal, hein. Ouais. Ou par les ondes, peut-être. OK. Ou sinon, on va passer par un tunnel sensoriel, temporel. Tempo sensoriel. Un peu, un tunnel sensoriel. Oui, c'est comme tu touches les côtés, puis c'est tout rugueux, c'est comme pour son plaisir. Donc, on embarque là-dedans, dans le petit camion, puis on va voir Kiwan. Rib for pleasure. Salut Kiwan. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous avez fait vraiment des très belles comparaisons ce matin, j'aime ça. Merci, merci, merci. Un tunnel sensoriel. Ouais. Donc, Kiwan qui est en direct de l'Alberta, comme toujours, tout se passe bien dans ton petit monde là-bas, là? Ben oui, ça va bien. Et vous, dans le vôtre? Merci, oui, très bien, très bien. Oh, oui. Est-ce que tu as eu le rhume déjà, toi? Est-ce que c'est passé? C'est bientôt? Hein? Ben oui, c'est passé, mais là, je sens que ça va revenir bientôt. Là, ici, on dirait que l'hiver a commencé là, assez brutalement, d'ailleurs. Il y a à peu près un mois, hein, je vous disais qu'il faisait encore 30. Ici, il faisait encore très chaud. Là, un mois, début octobre, en fait, là, il faisait très chaud. Puis là, on est dans la neige là, depuis quelques jours. Beaucoup? Ben ici, à Medicinat, là, il y en a juste tombé un petit peu, puis elle a fondu, parce qu'il fait toujours plus chaud ici que partout ailleurs. Mais en fin de semaine, je suis allé à Calgary, puis il y avait un bon 3 pouces à terre. Là, puis il avait l'air d'être là pour de bon. Là. Comment vis-tu le changement d'air depuis hier, avant-hier? Ben, je te dirais que ça change pas grand-chose ici. Là. Il va sûrement faire noir encore jusqu'à très tard. Avant qu'on change l'heure, là, je te dirais que le soleil se levait aux alentours de 8 heures, wow. Presque. Là. Donc, ça change pas tant grand-chose. Là. Je le vis assez bien, en fait. La transition se fait assez bien. Parfait. tu vas nous parler de Dan Mangan tantôt, mais on débute avec un autre sujet, si je comprends bien. C'est inclus. Les deux sont inclus ensemble, okay. En fait. Parce que je suis allé voir vendredi dernier le spectacle de Dan Mangan à Calgary. Ici, c'était l'avant-dernière date ou la sur-avant-dernière date de sa tournée. Il était parti pendant une quarantaine de jours, environ 45 jours. Il a fait le tour des États-Unis. Ensuite, il était remonté par la côte Est. Il est passé au Québec là, donc à la mi-octobre environ. Puis là, s'en retournait vers chez lui à Vancouver. Ensuite, Dan Mangan vient de Vancouver. Donc, il a arrêté à Calgary. Ensuite, il restait seulement des spectacles chez eux à faire. Donc, il était en fin de tournée. Et donc, l'autre groupe dont je vais vous parler, je vais vous en reparler peut-être un petit peu plus tard, c'est The Crackling, qui est en fait la première partie, qui a assuré la première partie de Dan Mangan partout dans toute sa tournée, dans toute la trentaine de dates qu'il y a eu dans cette tournée-là. Et il y a une très bonne raison pour ça. Mais juste avant ça, je vais vous parler un peu de la salle. Parce que c'est la première fois que je visitais cette salle-là, c'est le Mackie One Ballroom à Calgary. Et c'est une très belle salle avec une très bonne acoustique. C'est une salle qui est vraiment faite pour les spectacles. C'est y a même la possibilité d'avoir une formule vraiment plus théâtre là, avec des sièges assis. D'ailleurs, j'avais douté un peu avant d'aller voir le spectacle. Quand j'ai acheté mon billet, il y avait un numéro de siège dessus. Donc j'avais un peu peur que ce soit une salle assise, ça aurait été peut-être un peu plus plate d'avoir un spectacle dans une salle assise, mais finalement, il y a comme deux configurations différentes, et c'était un parterre là, pour l'occasion, mais c'est vraiment une très belle salle, sauf qu'il y a un point quand même assez négatif à cette salle-là, parce qu'il présente quand même des spectacles alternatifs dans cette salle-là. Généralement, quand il y a des groupes un peu plus connus, des groupes américains, ou en tout cas, quand c'est un type de salle de grosseur, là, environ 1000 personnes. Okay. Donc, vous voyez quel genre de spectacle ça peut accueillir. Là. C'est quand même pour des événements quand même assez gros. Mais il n'y a pas de bar à l'intérieur de la salle en tant que telle. Pas d'alcool? Pas d'alcool. Il faut aller... La salle est située quand même dans le pavillon des étudiants là, de l'Université de Calgary. Donc, il y a un bar dans le pavillon, mais il faut sortir. Donc, il faut que tu sortes, que tu descendes un étage et que tu ailles au bar des étudiants si tu veux de l'alcool. Et tu n'as pas le droit d'amener ton verre dans les corridors. Exactement. Et voilà. Ben oui. C'est très ordinaire. Ben, c'est ça. Donc, avant le spectacle, il y avait vraiment un va-et-vient constant de monde qui montait, descendait. Donc, à cause de ça, j'ai manqué un peu des premières parties. Un peu, j'ai manqué des bouts des premières parties là, à force de faire des allers-retours comme ça, puis à force d'aller caler des bières en se dépêchant, en se disant, vite, vite, vous dépêchez, pas manquer rien. C'est un petit peu le point négatif de la salle. C'est un assez gros point négatif, je trouve, principalement, moi. Ben, tu sais, c'est sûr, quand tu vas avoir un spectacle de ce type-là, c'est toujours la fin d'avoir une petite bière. Tu sais, je veux dire, idéalement, là. Ici, le 10-12 est à côté de la chasse-galerie à quelques mètres à peine, et il y a un bar dans le 10-12, tu sais, alors que l'autre, c'est deux étages différents, là, forcez-vous, là. C'est encore pire, ouais. Ouais. Bon. Sauf que je dois avouer quand même que le pavillon des étudiants de l'Université de Calgary est assez luxueux quand même. Il y a comme, ça ressemble en fait à un centre d'achat, puis à peu près, il y a un coin resto là, qui est vraiment gros comme le coin resto d'un centre d'achat avec une dizaine de concessions différentes là, des restaurants connus. Là, donc. En tout cas, bref, je veux pas parler non plus de... C'est pas une chronique... une biographie d'université. En fait, on aimerait ça faire le tour des universités canadiennes si tu veux partir une chronique là-dessus. Là. Ah ben oui, ok, ce serait bon. J'essaie d'avoir de me débloquer des fonds pour ouais, ça. Oui, c'est ça. Trouve-les toi-même, en passant. C'est ça. Bon. Voilà pour la salle. Donc, la première partie, une des deux premières parties, donc c'est le groupe qui accompagne vraiment Dan Mangan en tournée pour faire la première partie. Et je trouvais ça quand même assez bon quand j'ai entendu ça, mais je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup à ce que Dan Mangan faisait, surtout au niveau des arrangements. Donc, il y avait un contrebassiste qui était là, il y avait un trompettiste, un claviériste, un guitariste et pas de percussion. Je trouvais ça spécial parce qu'il y avait pas de percussion dans le groupe, mais ça sonnait quand même très bien. Le groupe s'appelle The Crackling. Et donc moi, je ne connaissais pas ce groupe-là, je les avais jamais vus. J'avais jamais vu non plus Dan Mangan en spectacle, donc je ne savais pas à quoi ressemblait son groupe à lui. Mais je trouvais que quand même The Crackling ressemblait pas mal au style de Dan Mangan. Et il y a une très bonne raison, parce que je trouvais ça quand même assez cocasse. Le groupe qui fait la première partie de Dan Mangan, c'est son house band. Dans le fond, c'est les musiciens qui l'accompagnent, qui ont un groupe. Et c'est exactement tous les mêmes musiciens là, qui sont... En fait, il n'y a pas de percussion dans The Crackling en spectacle, du moins. Parce que c'est le batteur qui est chanteur du groupe, en fait. Le batteur de Dan Mangan et le chanteur de Crackling. Et c'est donc c'est les mêmes musiciens placés à la même place, habillés pareil, avec la même coupe de cheveux. Donc, c'est vraiment identique. Et puis, je vais vous en faire entendre une pièce. En tout, vous allez voir, même dans le style musical, ça se ressemble. Donc, je savais pas trop quoi en penser. Quand j'ai vu ça, je me disais, ouais, c'est un peu ordinaire. Il me semble que c'est comme revoir un peu... Le même groupe d'une façon différente. Ouais. Mais dans le fond, c'est quand même logique. Ça permet de sauver des frais, j'imagine, de première partie ou je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même cool. Puis ça a créé vraiment, je pense, une chimie particulière. Là, Dan Mangan a l'air très, très proche de ses musiciens. Puis en plus, ça a plus l'air d'un groupe, en fait, de voir Dan Mangan sur scène que juste d'un artiste solo, là, tellement tout le groupe est très proche, puis on prenne autant de place là, que Dan Mangan ou presque sur scène. Peut-être apporter un bon point, hein, si jamais ils voulaient se cacher du fait que c'est le même groupe, peut-être juste une perruque. Ça pourrait être bien. Ça pourrait peut-être passer. Ça passe mieux, ouais. Au moins, pour on était proche de Halloween aussi, il aurait pu se déguiser, quelque chose, mettre, porter une moustache, ça aurait pu passer quand même. Hey, on voulait savoir justement, ta moustache avance bien, hein? Tu nous as pas envoyé de... Ah, attends, j'ai vu une photo de toi sur Facebook, Kiwan. Oui, j'ai posté ça sur Facebook en fin de semaine, donc là, je suis allé j'ai choisi d'y aller avec le renouveau complet, parce que j'avais déjà une barbe, j'aurais pu choisir de juste tailler le bas et de porter fièrement le panache, mm-hmm. mais j'ai décidé de la cultiver tout au long du mois. Ah ouais? Donc, j'ai reparti ça à zéro, puis là, je suis à l'étape semaine 1 présentement. Ouh! Bon, on va regarder ça, on va suivre ça, ta belle petite moustache, ton œuvre d'art. C'est comme un chiopette, là. T'as arrosé sa pousse comme du gazon, c'est beau. Ouais. Et j'ai pas vu, est-ce que vous arborez aussi le duvet sur le nez ou... On essaye. François, ça avance très bien, lui, en tout cas, ça pousse cette affaire-là. Ah, sérieux, ma barbe est quand même forte, hein? Ouais, c'est là que je m'en rends compte. Mais ouais, ça pousse. Ça pousse, malheureusement. Malheureusement. De mon côté, je me suis pas rasé depuis le 31 octobre. Là, c'était la date limite, même je pense le 30. Fait que tu vois, là, ça avance pas vite du tout, là, mais je me suis juste pas rasé. Moi, je suis full barbs. Pour l'instant. Bon. Qui est pas nécessairement longue pour l'instant non plus. Non, vraiment pas. Non, j'ai juste la balle propre. Ouais. Genre. De pouilleux. C'est comme ça. Ouais. C'est assez pour les moustaches et les barbes pour ce moment-ci. Mm-hmm. Kiwan, tu peux recommencer à parler, on arrête de t'interrompre. Ben non, mais moi, je me tanne pas de vous entendre parler de moustache. Là, c'est un sujet qui me attends de nous voir, tu vas peut-être déchanter. Donc, pour revenir dans quelque chose de très pertinent, je pourrais vous parler des points forts et des points faibles du spectacle. Parmi les points forts, ce que j'ai trouvé, c'est une petite parenthèse comme ça, là, c'est très léger dans le sujet, là, ce dont je vais vous parler, mais je trouvais quand même ça très important d'en parler. Moi, j'ai vraiment pas l'habitude d'aller aux toilettes pendant le spectacle, parce qu'un spectacle, ça dure environ une heure et demie. Vas-y avant, tu sais. C'est ça, tu sais, tu payes 30$ pour aller voir un spectacle, tu dis, ah, je veux pas en manquer une minute. Sauf que là, étant donné que le bar était loin et que là, il fallait vraiment caler nos bières à chaque fois, bon là, ça a créé un petit événement spécial qui a été le fait que j'ai pas eu le choix d'aller faire pipi pendant le spectacle. Mais le choix des pièces de Dan Mangan est quand même, parce que quand on écoute les albums, là, il y a vraiment des hauts et des bas, hein, sur les albums de Dan Mangan. Des pièces qui sont très, très, très dentes, très tranquilles, et d'autres un peu plus bougeante. Donc, j'ai choisi une pièce. J'imaginais qu'en spectacle, Dan Mangan aurait peut-être pu choisir de passer seulement les pièces un petit peu plus énergiques. Mais non, il a quand même passé des pièces qui étaient très, très, très dentes, dans un pacing assez bizarre. D'ailleurs, l'ordre des pièces là était assez up and down. Là. Donc, j'ai choisi finalement d'aller faire mon petit pipi. Et ce que je voulais parler, que je trouvais vraiment très cocasse... Vous savez, quand on voit un spectacle, moi, en tout cas, personnellement, ça me laisse des souvenirs très très imprégnés dans ma mémoire, qui fait qu'aujourd'hui, je peux entendre une pièce de n'importe quel artiste que j'ai vu il y a 10 ans en spectacle, et je me rappelle très bien de l'avoir vu en spectacle, parce que, pour quelconque souvenir, tu dis « Ah oui, cette pièce-là, je me souviens, je l'ai vue, j'étais à telle place, dans telle ville, en telle année. Oui. » Et je trouve ça très drôle, parce que pendant le spectacle de Dan Mangan, pendant que je faisais pipi... Ouais. Il y avait quelqu'un qui s'est passé là. Ouais. Non, je trouve ça drôle, c'est qu'il y avait quelqu'un qui faisait popo pendant le spectacle de Dan Mangan, et je me disais, cette personne-là, pour le reste de sa vie, quand elle va entendre la pièce de Dan Mangan, va se dire, ah oui, je me rappelle, moi, je suis allé voir Dan Mangan en 2011 à Calgary, et pendant cette pièce-là, j'étais en train de faire caca. Je trouve ça très drôle. Oui, puis oui. Ou peut-être que lui, il filait vraiment pas, puis il s'en sac de la toune qu'il joue, mais... Oui, peut-être. Mais j'espère. Ouais, j'espère pour lui aussi. Et moi, tu vois, Kiwan, maintenant, aussitôt que je vais entendre une pièce de Dan Mangan, je vais me rappeler de la fois où tu as parlé de caca en ondes à la radio. C'était la première fois? Ah oui, vraiment? Je pense que oui. Ah, je m'étais sûrement retenu d'en parler toutes les autres fois. Ouais, t'aimes ça te retenir, toi. Ouais, c'est ça. Donc, bref, ça, c'était un point. Ben, je sais pas dans quelle catégorie classer ce point-là, si c'est positif ou négatif. Là, je vous laisserai. Est-ce que c'est numéro 1 sur ta liste ou numéro 2? Ben, c'est encerclé sur ma feuille. Là, je l'avais encerclé plusieurs fois pour être sûr de ne pas l'oublier. Mm-hmm. Non, c'est pas vrai. Bon. Donc, pour revenir vraiment là, au spectacle, Je trouvais qu'il y avait quand même des hauts et des bas dans le spectacle. C'était pas égal du début à la fin. Je trouve que la foule était un petit peu plate aussi, parce qu'il y a une pièce que j'avais très, très, très, très hâte d'entendre, qui est la pièce Post-War Blues sur le dernier album, Oh Fortune. Et c'est vraiment la pièce qui bouge le plus. Puis c'est en plus une pièce qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans le répertoire de Dan Mangan. Donc, j'avais vraiment hâte de l'entendre dans le spectacle, parce que je savais que c'est une pièce qu'il utiliserait vraiment pour faire lever le spectacle. Puis ils l'ont fait comme vers le début, je dirais 4 ou 5e pièce du spectacle, vraiment dans le but, tu sais, de faire lever le party. Et la foule a vraiment, vraiment, vraiment pas réagi. Et je sais pas si c'est à cause de ça, mais autour de cette pièce-là, il y a eu un genre de petit froid, parce que la pièce Post-War Blues a été écrite, puis avant de la faire, Dan Mangan l'explique, il dit cette pièce-là, je l'écris en passant... Je l'écris pour les militaires, ils appellent les enfants, tu sais, les enfants canadiens qui vont à la guerre en Afghanistan ou peu importe. Puis c'est un peu une pièce, en fond, contre la participation canadienne militaire à travers le monde. Puis c'est un point de vue qui est très partagé et populaire, je dirais, dans l'Est, probablement. Ouais. Et aussi à Vancouver, la mentalité en général, je dirais, de Vancouver ressemble beaucoup plus à celle de l'Est que de l'Ouest. Mais à Calgary, c'est vraiment pas populaire, mais pas du tout ce sujet-là, parce qu'ici, les gens sont très pro-armés, qui encouragent l'effort militaire, puis tout ça, c'est vraiment très populaire. Et j'ai senti qu'il y a eu clairement un froid quand il s'est mis à parler de ça. Et après ça, il part la pièce, qui est hyper énergique, et la foule a pas bougé, là, mais vraiment pas d'un poil. J'ai comme l'impression que ça a changé un peu le mood du spectacle par après. Je pense que dans la construction là, du spectacle avec le choix des pièces, je pense qu'après cette pièce-là, c'était supposé décoller. Puis ça a resté assez tranquille pour le reste du spectacle. Mmh. Je ne sais pas si c'est uniquement à cause de ça ou juste parce que la foule était un peu plate. Mais alors, il y avait beaucoup de gens qui parlaient, qui criaient des choses à Dan Mangan. Je trouvais ça ordinaire un peu, parce qu'en plus, lui, il répondait. Il voulait pas juste que ça fasse un froid de quelqu'un qui gueule comme ça. Fait que là, le spectacle, il a toujours interrompu comme ça. Donc, j'ai trouvé la foule quand même assez ordinaire. Qu'est-ce qu'il disait, mais toi, c'est ça? Ben, tu faisais des commentaires sur les pièces, là, je comprenais pas tout le temps non plus, vu que j'étais en arrière, puis souvent, ça venait déjà un peu plus en avant. Mais, tu vois, c'était pas toujours gentil, là. Oui? D'après les réponses que Dan Mangan faisait, ça avait pas l'air d'être tout le temps si fun, là, ce que les gens disaient, donc je trouvais ça un peu ordinaire. Ouais. Mais quand même, pour la fin du spectacle, quand les pièces, je dirais, régulières finissent et qu'ils reviennent pour le... Quand Dan revient pour le genre de rappel, il revient tout seul avec sa guitare. Puis là, dans le rappel, là, il a fait environ 5 pièces, je dirais. C'est quand même un très bon rappel, très généreux. Il est tout seul avec sa guitare, puis il fait vraiment les pièces plus acoustiques, mais... J'ai trouvé que c'était là qu'il mettait le plus d'énergie. Même avec son band qui est hyper énergique et avec laquelle il a une super belle chimie, j'ai trouvé que le plus beau moment, c'était vraiment à la fin quand il était seul avec sa guitare. Puis je trouvais que c'était vraiment là qu'il y avait plus d'émotion puis plus de contact avec la foule, peut-être à cause du choix des pièces. Et justement, dans cette partie-là, plus acoustique à la fin, il a fait la pièce Basket, qui, à mon avis, est la meilleure pièce peut-être de toute l'œuvre de Dan Mangan, ou du moins de son avant-dernier album, Nice, Nice, Very Nice. Et en tout cas, c'était un moment très fort du spectacle. Donc, j'ai choisi de vous faire entendre deux pièces de Dan Mangan. Donc, Post-War Blues, qui est une des meilleures du dernier album, Oh Fortune, et qui a été pour moi, même si la foule n'a pas réagi, un très beau moment du spectacle. Vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment très énergique, et c'est pas un son qu'on est habitué d'entendre chez Mangan. Et ensuite, juste avant, on va entendre Basket, qui est une pièce plus acoustique et qui est vraiment une très, très, très belle pièce. Et on va commencer avec The Crackling. Comme ça, vous pourrez constater que ça ressemble quand même beaucoup à Mangan. Parfait, on commence donc avec The Crackling et The Three of You. Merci beaucoup, Kiwan. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine et bientôt, je sais pas si ça va être la semaine prochaine, mais bientôt, je vous parle de Vincent Vallière qui vient faire un tour dans le coin. Ah, oh, ouais, pour vrai? Cool. Ouais. Ah, fantastique. Parfait, bon, on s'en reparle. Merci, Kiwan. OK. Bye, bye. Bye, bye. Salut. Always been your heart. It's always been your quiet, brilliant heart. Oh, my dear. Oh, my love. And can you hear ahead, maybe we might fall in love, fall apart, fall apart. Before it ends, well, we should try to start. So I'll go, but I'm telling you I don't wanna go. Could be stuck here and happy. So there's a puzzle I work on endlessly, and I've got the sides and all the corners, but there's a space. Yeah, there's a space. Lost some pieces I can't replace. So I'll be, but I'm telling you I don't wanna be just a wasted puzzle piece. We are old and our son took the dog away, and fair enough, guess we're tired all the time. All the time. And you know dogs, they need ample time outside. So I'll stay, but I'm telling you I don't wanna stay. So I'll brace myself against the wall and hope to God that I don't fall. My bones are worn, my hip won't hold. I used to be so young, how did I get so old? Won't you take my cane and hold my hand? You're holding on to all I have, just a basket full of memories. And I'm losing more each day, it seems. But if I can make it to the street, I'll steal a car or a bike, whatever there is to steal. And it might get cold, I just don't care. I'm going till I'm getting there. I'll ride my steed all through this town till your peaceful memory. Won't you return to me? Won't you return to me? Start a war for the kids, a purpose for which to unite. Make them some words they can mince. What they don't know, they won't mind. Find them a foe for the fight. And stories to tell as they age. Then maybe time will decide which ones keep and which ones fade. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slow. Dan Mengen et la pièce Post-War Blues, précédée de sa pièce Basket. Et au tout début du bloc, c'était The Crackling avec The Three of You. C'est dans le bloc qui voit en cavale à Assemblage Rock. C'était très bon. Oui, surtout la dernière, vraiment, celle-là, je l'aime beaucoup. Ouais, j'aurais aimé ça voir ça en spectacle. Ça pourrait être un bon extrait de palmarès la prochaine fois. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, en spectacle, ça doit être très bon. On prend une petite pause. On n'a pas pris depuis le début de l'émission à 7h. Hein. Ouais, exact. Donc on se dépêche, puis on vient avec la musique de Mumford & Sons. Oui! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 19h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. We'll be right back. Obsolète de Mono-Grenade, assemblage requis. C'est la fin de la première heure de notre émission d'aujourd'hui. Ouais, il est à tel, je suis en train de regarder Xavier qui se prépare pour sa chronique et Dieu sait que j'ai hâte. Il y a un gâteau là avec du chocolat. Oh là. Mon Dieu. Je pense qu'on va être gâtés tantôt, nous autres. Je pense que oui. Êtes-vous jaloux? Hein? Ben partez pas parce qu'on va en parler avec lui tantôt et on va se goûter ça par les ondes radio. Je sûr que le goût, ça se rend par les ondes FM. C'est rendu là, je pense, à ça. On va essayer de le décrire. Ah, OK. On va essayer. Là ou l'autre. D'accord. Là ou l'autre. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Bon, attends, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 7 novembre 2011. Et lui, c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, merci beaucoup. C'est vrai. Oh oui, c'est ton nom. C'est ça, c'est mon nom? Ouais, c'est tes parents qui ont décidé. Et puis, c'est toi qui a les conséquences de ce nom-là. Qui en récolte les, ouais, c'est ça, les malédictions. Et, Les malédictions, je sais pas s'il y en a tant que ça pour des Mathieu, mais on sait que le prénom Mathieu est répandu. Oui, c'est comme un nom, disons-le, biblique. Hein? C'est biblique? Ouais. Oh, ouais. Il y a pas je sais pas. Tu parles pas à un connaisseur. Zapposter? Je sais qu'il y avait Pierre. Ouais. On dirait que c'est le seul que je connais. Bon, ben, Colin, on connaît ça, disons. Eh bien, okay. On connaît autant la Bible que le thé, et c'est pour ça qu'on doit s'éduquer là-dessus à chaque semaine, François. Tu savais ça? Donc, on va accueillir Xavier avec sa chronique « Tais-toi et cuisine ». Ouais. Salut Xavier. Bon matin les garçons, ça va bien. T'as l'air un peu trop en forme pour nous autres. Je suis toujours en forme quand j'arrive ici. Mais comment tu fais à cette heure-là pour être aussi en forme? J'ai mes petites potions, moi. Ah, est-ce que ce serait du thé que tu bois dès que le lever? Oui, entre autres. Surtout que celui que je vous ai amené aujourd'hui est assez fort en théine caféine. Mais en tout cas, il sent bon. Oui, deux raisons pour que ça sente bon en plus dans le studio. François-Olivier, évidemment, qui est là, donc c'est sûr que ça sent tout le temps. Merci. Bon. Tu ne renvoies pas le compliment? Hein? Bon. Non, mais finis ta phrase. Ça, bon. Ouais, c'est ça. Ben, parce que si tu t'arrêtes à ça sent, ça peut paraître louche. Ouais, non, c'est ça. D'habitude, quand tu dis que quelque chose sent, c'est. C'est pas forcément positif. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, ben négatif, c'est ça. Moi, ça commence tout le temps quand je dis, quand je précise pas, c'est que c'est positif, c'est que ça sent. Ah, okay. Ouais. Mettons. Ouais. Est-ce que tu peux me sortir de ça en passant à un autre sujet? Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler du maté. En fin de compte. Bon. Oui, ben dans le fond, ce que vous allez déguster au niveau thé-boisson, ça s'appelle Explosion Chocolatée. C'est un mélange de maté avec du chocolat, des amandes et de la framboise à l'intérieur. Ça a l'air génial. Donc c'est parfait pour remplacer un chocolat chaud en fin de compte. Donc faire infuser une double quantité de Explosion Chocolatée dans une quantité d'eau normale et rajouter de la crème ou du lait, c'est un petit peu reconstituer un chocolat chaud normal. Parce que François, c'est ce qu'il boit le matin quand il arrive au studio, il a son pot maçon avec. Donc maintenant il pourra prendre Explosion Chocolatée. Double portion. Oui, parce que un peu de crème. Exactement, parce que dans le fond, si on le fait avec une portion normale, quand on rajoute de la crème ou du lait, ça va le diluer un petit peu. Donc ce que nous on fait, on double la quantité pour avoir quelque chose de concentré, puis le lait, la crème va le diluer par la suite pour retrouver un petit peu une concentration normale. D'accord, fantastique. Donc c'est ça le matin. Bon. Ben, c'est très très bon. Est-ce qu'on est rendu à enlever notre... Ouais, je pense que oui, on peut enlever notre poche. Ou au pire, vous pouvez le laisser encore à l'intérieur. C'est vraiment, vous voulez avoir vraiment toute la caféine qui va vraiment tout ressortir. Donc, c'est vraiment un très bon énergisant à avoir le matin. Pour vous expliquer un petit peu plus, dans le fond, le maté, en fin de compte, c'est la boisson qui s'appelle le maté, puisque la plante s'appelle yerba maté. Dans le fond, c'est une plante originaire de l'Amérique du Sud qui est très riche en caféine et qui a été utilisée pendant plusieurs dizaines, centaines d'années par les peuples vivant dans ces régions-là. Et il semblerait que le yerba maté contienne beaucoup de minéraux, de nutriments. Et on s'était aperçu justement que ces peuples-là n'avaient pas beaucoup de carences et se nourrissaient quasiment que de yerba maté. Donc ça prend juste quelques petites choses à côté, mais sinon on a beaucoup de minéraux et de nutriments à l'intérieur du maté. Yerba la matrice. Yerba la matrice. Yerba. Non, je sais. Oh, c'est beaucoup plus court les que ça. Les pierres à feu, tu sais. Ouais, bon. Non, à date, j'ai goûté une gorgée pendant que tu parlais. Mm-hmm. Et c'est certainement mon préféré depuis. Ah ouais, pour vrai? Moi, je l'adore. Je l'adore. Mais c'est peut-être un des seuls trucs, du moins que moi, j'ai vu de par mes expériences, qui se décolore comme ça, mais qui se colore comme ça, en fait. C'est, autant c'est... que ça? Ouais, c'est ça. C'est le chocolat. Très probablement, mais aussi dans le fond, dans ce maté là, c'est une base de maté. Dans le fond, c'est du maté torréfié qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que déjà, ça va foncer un petit peu plus. Si on avait pris du maté vert, ce que vous aurez en dégustation pour le reste de votre journée, enfin pour toi, François, dans le fond, ça va colorer exactement. Ça va un petit peu le colorer un petit peu moins. Et puis, juste pour rectifier légèrement le tir, c'est pas vraiment de la caféine, théine qu'il y a à l'intérieur du maté, mais plutôt de la matéine. C'est un semblant de caféine, mais avec un effet un peu plus fort, je te dirais. Mais l'effet sur le corps va être beaucoup moins, entre guillemets, néfaste. Comme de la codéine. Bon, je suis pas totalement sûr. Je suis sur du bénilin codéine en ce moment pour mon rhume. Ça t'intéresse? Il y a des Kleenex si tu en veux. Ok, parfait. Ouais, mais c'est ça, donc avec un effet un petit peu moins néfaste sur le corps. Donc on n'aura pas tout ce qui est brûlure d'estomac, tremblement en buvant du maté. Sauf si on est extrêmement sensible à tout ça. Mais ouais, on n'est pas censé avoir de tremblement et de brûlure d'estomac en buvant du maté. Bonne idée, ça, j'aime ça, parce qu'à un moment donné, trembler, déjà assez du téléphone qui te sonne dans les poches. Hein? Mm-hmm. Hein? Pas besoin d'une poche qui me sonne dans le... Okay. Merci, Mathieu. De rien. Sacré Mathieu Plante. Oui. Savez, c'est très bon, c'est très bon. Et on dirait qu'il y a un arrière-goût de je sais pas quoi. De framboise, non? Ouais. Moi, je la sens vraiment, la framboise. Parce qu'il y a de la framboise à l'intérieur. Ouais, non. C'est vraiment des petits morceaux de framboise. Comme ça, ouais. Puis, dans le fond, si vous voulez, je peux même vous repasser la boîte pour que vous regardiez directement dans la boîte. Bonne idée. Je passe à qui? Mathieu, François. Moi. Passe à Mathieu. C'est plus proche. Donc, tu vois vraiment à l'intérieur que tu as vraiment des copeaux de chocolat, de cacao à l'intérieur, des amandes et aussi des framboises séchées. Est-ce que tu pourrais le manger comme ça? Ben, moi, ça m'est déjà arrivé de manger les amandes qui sont à l'intérieur. OK. Mais les petits bouts de chocolat, faudrait faire un tri, hein, c'est quand même... Ben, c'est ça, parce que... tu auras certaines pépites de chocolat, mais tu as aussi des morceaux d'écorce de cacao à l'intérieur, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est vrai que manger de l'écorce de cacao, ça va goûter légèrement le chocolat, mais c'est pas du chocolat en tant que tel. Il y a quelque chose qui va te rappeler le chocolat, mais c'est pas ça. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau, ça sent bon. Ouais. Ben, oui. Il y en a qui chiquent du tabac, à un moment donné, il y en a qui pourraient chiquer du thé. Ben, vous avez le droit, moi je vous empêcherai pas. Non, tu vas nous parler, tu vas rire de nous. Mais je me dégage de toute responsabilité par la suite. À la fin, tu peux chiquer ta poche. J'ai beau être réveillé un matin, je réagirai pas à ce genre de commentaires. C'est bien. Et concernant votre dégustation, oui, culinaire on est déjà. Ou... Le gâteau, il est donc beau le gâteau que tu nous as amené là. Dans le fond, c'est quelque chose que j'ai monté totalement de moi sans utiliser spécialement de recettes de base. Donc dans le fond, que j'ai appelé ça décadence chocolatée. Puisque dans le fond, c'est vraiment beaucoup de chocolat. Donc on le prépare un petit peu comme un brownie à la base. Ah, je vous... Sauf que tu as à l'intérieur de l'explosion chocolatée infusée dans du lait qui a été intégré par la suite à la pâte. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ça reconstitue encore plus une sensation de mi-cuit. Et il y a aussi possibilité de créer beaucoup de variantes avec ça. Si moindrement on veut le faire juste en brownie, on peut. Mais ma version à moi, on a aussi une couche de frangipane en dessous, c'est-à-dire une crème à base d'amandes, de poudre d'amandes en fin de compte, et quelques framboises aussi. Donc on retrouve un petit peu tous les framboises. Oui, effectivement. Tu as probablement croqué dans une framboise aussi. Et bien sûr, sur le dessus, un glaçage au chocolat. Et je me sens d'humeur joyeuse. Donc je vous ai laissé le gâteau en entier pour vous. Et puis je récupérerai tout mon stock comme au courant de la semaine. T'es beaucoup trop généreux. Viens le chercher dans une demi-heure. Ça m'étonnerait pas que ce soir, il n'y en ait presque plus déjà. Ah. Non, mais c'est vraiment très très bon. C'est très... comment dire, je dirais pas onctueux, mais très, très mou, ça fond bien dans la bouche, ça. C'est très, très bon. On aime bien ce qui fond dans la bouche. Oui. On a déjà fait ça là, mais ouais. Ça vaut la peine de le répéter. Oui. Ouais. Non, c'est très bon. La framboise, vois-tu, ça rajoute un peu. Oui. Moi, ce qui est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est vraiment les sensations de chocolat framboise. Donc, le côté légèrement acidulé de la framboise, le côté fort. Et surtout que j'ai utilisé que du chocolat noir pour faire, pour faire mon brownie. Donc, c'est bien quelque chose que. Mais c'est sûr, Première bouchée, ma réaction a été crime, c'est un brownie raté. Ben dans le fond, mais à la deuxième, vois-tu, c'est pas ça du tout. C'est vrai que normalement, le brownie, si ma mémoire est bonne, comment il est né, c'est que c'était un gâteau qui a été raté à la cuisson. Ouais, ouais, raté, il était trop cuit, je pense. Et non, pas assez cuit, justement. Ouais. Fait que justement, ouais, ça avait pas atteint la consistance d'un gâteau normal, donc il a été un peu plus dense et un peu plus comme coulant dans le centre. Ça fait presque un petit, pas muffin, mais presque, tu sais, c'est mou. Là. C'est ça. Généralement, on n'aime pas vraiment ce qui est mou, mais là, ça se prend bien. Ça, c'est combien de temps, en fait, dans le four, comme ça? C'est environ 30 minutes sur à 350 Fahrenheit. Fantastique. Donc, juste en base, comme ça, c'est. Je me reconstitue la recette dans ma tête. 150 g de beurre, 150 g de chocolat noir, 4 œufs, un grand verre de lait avec 10 cuillères d'explosion chocolatée. On a aussi 150 ml de farine, donc environ 75 g, et 150 g de sucre. Donc. Une explosion chocolatée là, que tu me parlais en fait et qu'on goûte aussi. Oui. Ça, tu le laisses tel quel là. Et dans le fond, je mets le lait directement dans la casserole, je le mets à chauffer et pendant que ça chauffe, je rajoute le thé à l'intérieur pour que c'est pas moulu, non? Comment? Non, on le laisse comme ça directement et c'est une fois au moment de rajouter dans la pâte à gâteau qu'on va justement enlever tout ça. Ouais. Et c'est évidemment l'explosion chocolatée, on s'achète ça chez David's Tea. Exactement, hein? Donc ça fait vraiment partie de la collection permanente. Okay. Il a débarqué cette année à la période de Pâques, puis finalement on a décidé de le garder en tant que permanent dans la compagnie. Parce qu'il est tellement bon, pour vrai. Il doit être un bon vendeur. Oui. Ben, je dirais dans les Matisse, il fait partie de ceux qui partent le plus vite aussi. Et on le comprend quand même assez facilement quand on y goûte. Oui. Donc, c'est ça. C'est très à conseiller. Évidemment, pour les recettes, on va mettre ça sur le blog assemblagerequis.com. Bien sûr, je finalise d'écrire tout ça et puis je t'envoie tout ça en courant de la journée. Parfait. Aussitôt que ce sera sur le site, vous allez l'avoir via Facebook aussi. On va vous tenir au courant. Exactement, avec la photo aussi. Oh oui, ça va vous mettre l'eau à la bouche. Toujours, toujours, juste prenez une napkin et mettez sur votre clavier parce que ça risque de mouiller un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. De mouiller? Oui, de mouiller. Ben, j'ai pas envie que tout le monde bave sur les claviers et après d'être responsable de quelques dommages que ce soit. Ah, il fallait me l'expliquer celle-là. Mais quand même. Non, mais t'as raison. Je comprenais pas. Me regarde pas avec ton air innocent. Non, mais mouillé, en même temps, j'étais là, il y a un toit, tu sais, ici, mouillé. Oh, un mois? Un toit? Oui, un mois. Non, un toit. Hey, cherche-moi pas un matin. Fais pas le fin, Sino. On va pas ton gâteau, hein? Ben, il est pour vous, alors tu veux bien menacer de le prendre. Je vais le prendre, ton gâteau, m'entends-tu? Ouais. Ce serait le fun de faire comme dans une sitcom et se le lancer dans la face, mais en même temps... Non. Ce serait dommage de le gâter. Ça serait plate pour les autres. Ça serait le fun pour la personne qui le reçoit, mais... Ouais, exact. Pour les autres, c'est... On va faire plaisir à l'équipe. Il suffirait que la personne ouvre grand la bouche, puis cette personne-là aura vraiment de la chance. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, mais c'est plate pour les autres, parce que les autres en auront pas. Ouais. Bon, ça va faire. L'esprit de partage. Et puis, je dis pas ça pour rien. L'esprit de partage... C'est une valeur, en fait, qui est importante dans le temps des fêtes. Tu sais, on approche tranquillement. Mathieu Plante, ce matin, une des premières choses qu'il m'a dit ce matin, quand j'ai été chercher, c'est qu'il aimerait bien ça, avoir un semblant bûche de Noël faite à la sauce Xavier. J'ai jamais dit ça. Non. Hein? À la quoi? Mais maintenant que t'en parles... OK, attends un peu. Lui, il attrape des indices qu'on voulait pas vraiment qu'il attrape. Non, pas vraiment. À la sauce Xavier. OK. Donc, non, mais tu sais, je vous prépare quelque chose Je sais pas, c'est lui qui avançait ça. Je trouvais. Là, j'étais là, tu lui donnes beaucoup de job, Mathieu. Je sais pas si il serait prêt à relever le défi. Ça me donne juste un défi supplémentaire, comme quand vous m'avez parlé de citrouille. J'ai relevé le défi. Non, c'est ça. Et t'as réussi. Ouais, tu l'as relevé haut la main. Haut la main. Donc, puis, oui, c'est ça. Ouais, donc, je lève la main. Et non, mais je risque de faire quelque chose de spécial pour Noël aussi, en plus de d'aiguiller tous nos chers auditeurs aussi dans leurs petits achats. Si moindrement ils commencent à devenir fans de nous. Oui. Ben, c'est ça exactement. Puis on parlera peut-être dans ta prochaine chronique, le temps des fêtes qui commence, les idées cadeaux. Peut-être pas dans la prochaine, Mais je dirais que début décembre, je devrais peut-être... Ouais, j'avoue, on est début novembre. Hein? Ouais, c'est ça. Je m'emballe un peu trop. Tu t'emballes un peu vite, là, puis tu imposes des ordres aux chroniqueurs. Non, c'est pas des ordres, c'est des pistes de suggestions. Mais je te dirais que, dans le fond, il me restait encore deux chroniques vraiment bien spécifiques, à parler choses bien spécifiques. Comme je te disais, la semaine prochaine, on va parler rooibos, donc totalement sans théine, sans caféine. Et ensuite, on va peut-être passer dans les tisanes. Donc là, je ne dis pas sans théine, sans caféine, mais tout ce qui est autre chose que du thé. Donc c'est vrai que même le yerba maté, le rooibos, on pourrait considérer ça comme des tisanes. Mais comme ça a une base bien spécifique pour commencer, on va les appeler vraiment des matés, des rooibos. Alors que les tisanes, ça peut être des mélanges de fraises, framboises, cassis, mûres, verveines, ou des mélanges de feuilles de mûrier et de noix de macadam, ou encore des morceaux de chrysanthème. Oui, parce qu'il y a aussi des fleurs dans certains thés. On pense entre autres à Pitot avec de la feuille de framboisier aussi à l'intérieur. Très bonne pour vous, mesdames, lors de vos périodes menstruelles qui vont calmer vos crampes. Donc, vous avez moins de crampes et monsieur subit un peu moins votre mauvaise humeur. On adore ça. Une case, moi. Ok, on se redonne des nouvelles au niveau de janvier. On a mis ça, oui. Oui, merci. Merci Xavier. Beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir. On va. Vraiment très intéressant et très succulent. Oui. Essayez de ne pas trop baver. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce que tu disais? Un essuie-tout sur le clavier? Ouais. Pour ta poche. Hein? Pour la poche? Pas que ta poche juste trop. Tu mets pas ta poche sur le clavier? Ouais, je suis proche de mon ordinateur. Attends, tu fais ça, toi? Mais je suis proche. Ah, mais laisse-moi. Bon, un peu de retenue, on revient au sérieux, les enfants. Comment on fait pour faire des jeux de mots là-dessus toutes les semaines sans cette année, ça? Mais je sais pas, c'est juste trop bien. Ouais. Lundi prochain, à 8h. Oui. On apprend plein de choses. Hein. On a appris que Mathieu... Et lundi prochain, on va parler rooibos. Donc, sans théine, sans caféine. On va se faire un petit voyage dans le coin de l'Afrique du Sud. Puis, c'est ça. Je vais travailler sur mes petites recettes cette semaine. Puis, je vous reviens avec de quoi d'assez spécial la semaine prochaine. Ouais, parce que là, j'imagine que la semaine prochaine, ça sera pas facile à côté, là. Hein? Ouais. Je te dirais que la décadence, c'est vraiment la création de laquelle je suis le plus fier. Surtout que c'est quelque chose que j'ai monté sans recette de base. J'ai fait comme, ok, je mélange ça. Ah ouais, ok, c'est de ton cru, là. C'est pas une recette appris sur Internet. Mais... Non. Et puis, c'est quelque chose que j'avais testé vraiment en mars-avril. La première fois, puis depuis, à chaque fois qu'on me demande de faire un gâteau, c'est souvent celui-là. Ouais. Ça, ça me prend. Bien. Bon, donc on se va entendre un petit peu de Mother avec Baby Don't Dance. Peut-être que tu vas aimer ça. Puis à la semaine prochaine, merci. Merci les enfants, bye. Merci. C'est Assemblage Requis sur C'est Fou. soleil se lève sur Montréal, se couche sur Shanghai. C'est le début de qui? Nous, on a faim de quoi? J'aime bien mourir un peu à tous les jours. J'aime bien mourir un peu quand je suis avec toi. Le temps est plus court que le dernier verre qu'on a bu. Le temps est plus court que le dernier verre qu'on a bu. Le lac est gelé de bord en bord. Galaxy, la pièce de Shanghai sur le palmarès francophone. On revient dans quelques minutes avec la chronique sport. Nicolas Ducharme, journaliste à l'Écho de Trois-Rivières. Restez là. Rassemble un qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Oh, on se déconcentre deux secondes, puis là, soudainement, tout est tout gras. C'est pas grave. Hey, comment réveille-toi, du bois du thé? Quoi? Secoue-toi la poche. Hey, la minute, là. Quand on n'est pas dans la chronique de thé, les gens comprennent pas, là. Quand c'est dans la chronique de thé, ça va, là. Mais, okay. OK, je m'excuse. C'est... J'aurais dû l'expliquer. C'est ça, explique-la. Sors ta poche de ta tasse. OK, crache ton rocket, priez. On vient avec les sports, avec l'écho de Trois-Rivières. Yes. Voilà ce que tu disais, Nicolas. Tu veux du champagne, champagne? Champagne! C'était Crash ton rock avec Il priait. Et c'est une chose que tu ne veux pas expliquer parce que ça a l'air vraiment osé, ça. C'est ça? Le champagne. Il n'y a rien d'osé là-dedans. Rien d'osé. T'as jamais été veillé, les gars, avec le micro là, qui dit qu'il veut du champagne. Qu'est-ce qu'il veut du champagne? Ça, tout le monde dit ouais! Il me semble que, monsieur, ce qui se passe au micro devrait rester hors micro. Pas avec moi, non. Ah, bah, bah, il m'en souvenir. Ouais. Il dira plus jamais rien. Ok, non, c'est terminé. Il est pas capable de se retenir pareil. Ouais. Oh, hein. Oh non, il oublie. Il oublie. Bon. Il est sympathique. Ben, parlons donc d'affaires genre de sport avec lui. Mettons, ce gars-là, c'est Nicolas Ducharme de l'Écho. Écho, Écho, Écho, de Trois-Rivières. Ok, fait que là, t'as appris les deux leçons à retenir. C'est quand tu parles de quelque chose hors micro, j'en parle en ondes. Ouais. Et quand tu me dis ne fais pas quelque chose, je le fais. Donc, si tu me dis ne dis pas Écho, Écho, Écho, Écho, Trois-Rivières, moi le faire, c'est sûr. De même. C'est plate. Manu dit ça où j'admets ça, ici. T'étais bien. Eh, hey, bye-bye. La belle époque. Eh, hey, bonjour, bon matin, monsieur. Bon matin, monsieur Lagorge. Eh oui, la voix qui est un petit peu rocailleuse ce matin, mais ça fait ton passer. Charme. Ah, oh, ben ça devrait passer là, dans les 10 prochaines minutes, ce qui est à peu près. La durée de la moitié de ma chronique. D'habitude, donc, ça devrait s'améliorer. Eh, hey, ce matin, monsieur, ben on va faire un petit round-up de ce qui s'est passé en fin de semaine. Grosse fin de semaine de sport, hein. Quand même pas pire, là, ben, t'ajoutes un peu le combat Bouté-Johnson qu'on va parler tantôt, puis c'était pas mal ce qu'il y avait de plus relativement cette fin de semaine. Deux matchs, par contre, pour les Cataractes de Shawinigan, vendredi, une défaite de 7-3 là, contre les Tigres de Victoriaville au Colisée des Jardins. Ça n'a pas été un très grand match. Pour les Cats, on l'a échappé en troisième période, et Alex Dubois qui montrait des signes de fatigue, on le sait, le gardien de but, là, qui... Bon, c'est un arrache, ça. Mais pas qu'un arrache, là. Ça va bien pour Alex Dubois. Des stats à faire rêver n'importe quel gardien de son âge. Le problème, c'est que, justement, jeune comme il est, garder les buts aussi souvent, c'est un petit peu plus difficile présentement. Et le backup, le gardien remplaçant, Tysastre, ben, c'est-à-dire que Tysastre, là, c'est une recrue, qu'on veut pas vraiment lui faire confiance parce que Gabriel Girard est blessé. Et là, on se disait, bon, ça va avoir l'air de quoi hier, alors qu'on recevait Lille du Prince-Édouard. Eh bien, Gabriel, qui est revenu de l'infirmerie, Gabriel Girard qui a pris part à ce match, qui a laissé Alex Dubois avoir un petit moment de répit. Grosse victoire de 7-1, là, du côté des Cataractes, là. Écoutez, messieurs, je vous ferai pas le sommaire parce que ça serait plus facile de dire qui a pas eu de but, qui a pas eu de point par rapport à qui en a eu. Mais entre autres, Pierre-Olivier Morin, 2 buts. Kirill Cabana, Anton Zdobin, 4 points, 2 buts, 2 passes. Ces deux-là, là, la filière russe, depuis que Cabanov est arrivé, Anton Zdobin a augmenté son jeu, vraiment monté la qualité de son jeu. Et depuis, là, ça va très bien, ces deux-là ensemble. Évolué avec Mickaël Chaput jusqu'à tout récemment parce que Chaput a été blessé lors de ce match. Ne prendra pas part à la série Super Série Subway là, qui est ce soir et demain soir, si je me souviens bien, les... les Russes qui sont en ville, les Russes qui vont être à Victoriaville et Québec, si je ne me trompe pas, qui vont affronter donc une équipe toute LHJMQ. Donc, on avait Bournival qui avait été sélectionné, ne peut pas y aller. Michael Chapuis qui avait été appelé en remplacement, ne peut pas y aller. Donc, on a appelé Marc-Olivier Brouillard pour prendre la reprise, la relève plutôt de Chapuis dans cette série-là. Donc, sur le plateau un peu, c'est parce que c'est une belle façon de se faire voir, ce type de série-là. Et donc, c'est ce soir sur les zones de Sportsnet, TVA Sports aussi. Et demain soir aussi, tout dépendant de quel match, c'est une série de deux matchs, bien sûr, contre les Russes, qui l'avaient, qui avaient bien paru l'an passé. Il y a des années où les équipes russes qui ont été envoyées à la Super Série, c'était plus des figurines d'autre chose. L'an passé, par contre, on avait bien paru là, du côté des Russes. Classement, bon ben les Cataractes sont au cinquième rang de la Ligue, présentement avec 31 points, seulement 2 points de retard derrière les Tigres de Victoriaville, donc c'était un match de 4 points, vendredi on l'a échappé, donc à date là, c'est rien de dramatique pour les Cataractes, on se tient très près du haut du classement. Messieurs, je vous parle du Caron Aiguier, c'était un seul match en fin de semaine, c'était vendredi du côté du Colisée de Trois-Rivières, on affrontait le 3L de Rivière-du-Loup, une défaite de 5-2, on est sorti sans énergie du côté du Caron Aiguier. Quand tu commences, tu joues une période et demie. Même si on a décoché 49 tirs, des tirs de loin, pas beaucoup de création de jeu. Pas, le gardien Alexandre Parent n'a pas été très occupé. Donc, pas beaucoup de monde qui allait s'amuser dans la cage du gardien. Donc, ça n'a pas été très fameux. Et là, les assistances, est-ce que ça va un peu mieux? Ou? Là, il y avait 800 personnes là, vendredi. Donc, la meilleure foule de la saison est de loin. Là, on parle de près de 200 personnes de plus que ce qu'on a eu durant le reste de la saison. Par contre, on a eu droit à un match plate. Donc, ils reviendront peut-être pas. Je ne sais pas ce que ça va donner là, pour les prochains matchs. Est-ce que ça a brassé pas mal ou? Oh, correct. Je te dirais bien que ça a énormément brassé, mais ce serait pas vrai. Un seul combat. Là. Donc, non, c'était plate comme match. C'était très plate. C'était meilleur la veille, semble-t-il, à Windsor, où est-ce que les Wild l'ont emporté 5-3. Mais juste comme ça, une petite question. Vas-y. Les combats, est-ce que ça se passe encore de la même façon? Qu'est-ce dans le sens qu'ils s'en vont, de la musique en barque? Ouais. Oh, ouais? Ouais. C'est encore le show. C'est... Je pense de ce côté, du côté de cette ligue-là, on ne s'est jamais caché que le spectacle est encore très important. Mais il y a un peu moins de combats. Premièrement, les alignements ont 19 joueurs au lieu de 20 joueurs. Ce qui fait un pugiliste de moins d'habillés très souvent. Il y a surtout moins de combats là, à la mise au jeu. Souvent, ça arrivait, là, il y avait 4 secondes de fait dans le match. On lançait les games, on s'amusait. Il y en a moins de ça. Je dirais que sur la première mise au jeu, je n'ai pas encore vu. Je l'ai vu en deuxième période. Ben, par exemple, en première, je n'ai pas encore vu depuis que je couvre le Caron Aiguier. Mais tout de même, c'est vrai que oui, il y a encore le spectacle. On part la musique, on s'en va au centre, on enlève les casques, les gants, parce qu'on veut pas se faire trop mal. T'sais. Puis on y va avec un combat d'habitude. Il y en a des bons, il y en a des pas bons aussi, le côté combat. Il y a tout à ceux qui... Il y en a qui vont se battre, mais qui ont un peu pas peur, mais ça leur tente moins, hein, tu sais. Tu sais, ta job, c'est de te faire casser la gueule tous les vendredis, c'est moyen un peu. Ah ouais, ouais. Ah, donc, souvent, ils vont. Non, les gars. Ah, c'est pas un métier qui est facile. Non, vraiment pas. Les gars sont pas super bien payés non plus. Ils ont déjà été mieux payés que ça. Très honnêtement, là, ça a déjà été très mieux payé que ça du côté de l'Union américaine. Les gars, ils travaillent aussi. T'as pas les joué. Ils ont des jobs. Tu peux pas survivre juste avec ton salaire de hockey. Lundi matin, là, faut être. Mettons, t'es garagiste. Faut que tu rentres, là, même si t'as le nez cassé. Puis. Oui. Ah, c'est. Oui, c'est faut vouloir. Pour faire ce travail-là. Tu sais, dans le temps du junior majeur, les gars, c'était de l'école, c'est moins payé. Les filles aiment ça, les cicatrices, mais... Ouais, mais junior majeur, les batailles sont pas tolérées. Oui. Ouais? Ben oui, il y a des batailles dans le junior majeur. Oh. C'est dans le hockey universitaire qu'il n'y en a pas. Ouais, c'est vrai. Exactement. Non, c'est vrai. Parlons-en. C'est un peu mélangé. Parlons-en sport universitaire. Ouais. Hein? Patriotes, les gars soccer qui affrontaient les Redmond de McGill, c'était vendredi. Si les Patriotes l'emportaient, avaient une chance d'accéder au championnat national, championnat canadien. Par contre, ça a été une défaite de 1-0. Oh. On a tenu coup, on est passé très près là, du côté des Patriotes. Des belles chances de marquer qu'on n'a pas réussi à concrétiser. McGill a un tir de loin qui a été placé dans le haut de la lucarne. Et c'est ce qui donne la victoire aux Montréalais face aux Patriotes qui sont éliminés. Et en effet, de l'avoir emporté du côté des Patriotes, on s'en allait au championnat national. Parce que, comment ça fonctionne au Québec? L'équipe qui est championne du calendrier régulier, c'est-à-dire les Carabins de Montréal, accède automatiquement au championnat national et le vainqueur des séries accède aussi au championnat national. Si c'est la même équipe, bien évidemment, c'est l'équipe qui va être finaliste en finale, ça se dit mal, qui va être finaliste lors des séries éliminatoires, qui accède aussi. Donc, dans ce cas-ci, ça va être les Redmen parce que les Patriotes ont perdu contre eux et les Carabins ont gagné, bien évidemment. Dommage quand même, là, les gars qui avaient accédé là, aux séries éliminatoires, je l'avais expliqué là, par la peau des fesses un peu. Là. Il y en a un qui était deux trois équipes. Deux, trois équipes qui avaient été disqualifiées de quelques matchs, qui leur avaient fait perdre des points. Donc, on avait une deuxième chance de surprendre. Ça n'a pas donné les résultats qu'on espérait, mais on a quand même bien figuré là, du côté face au Redmond. Donc là, c'est terminé? C'est terminé au soccer. Ok, par exemple... C'est pas fini. Ben, c'est pas fini, mais c'était pas fameux non plus. Non. Contre Nipissing, une des formations qui surprend cette année, une très bonne fiche. Les Lakers ont affronté les Patriots. C'était vendredi à l'aréna Jérôme Côte-Noire. Et voyez-vous, là, du côté du Quidditch, on avait pris une avance de 3-1. Il restait seulement une période. Et 11 minutes plus tard, c'était maintenant 4-3 en faveur de Nipissing. 3 buts sans réplique. On a un peu... Écoute... Je peux pas leur en vouloir trop parce qu'on a quand même décoché 43 tirs contre le gardien Daniel Spence, mais 4-3 buts. Hein. Guillaume Nadeau a pas très bien paru, le gardien de but du côté des Patriots qui a fait quelques erreurs. On a aussi accordé un but en avantage numérique et un but en désavantage numérique en troisième période. Donc, c'est bien beau, là, mais on a que nous à blâmer là, du côté des Patriots pour ce match-là. Comme un peu les Canadiens. Ouais, bon, on va y revenir tantôt du côté du Canadien. Faites-en pas, parce qu'il y a un autre match des Patriots avant, c'est pour ça. Ryerson, samedi, qui a goûté défaite de 9-1 de Ryerson contre les Patriots. Je vous nomme pas qui a compté, il y en a beaucoup trop. Puis je vous nomme pas qui a des points, parce qu'il y en a beaucoup trop, ça aussi. La première étoile à Félix Petit avec 2 buts, 2 passes. Pas vrai, 1 but, 2 buts, 1 passe, tout comme Félix de François. Donc, 1-1 en fin de semaine pour les Patriots. C'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est parce que moi, je me souviens d'une équipe des Patriots qui perdait 3 matchs par saison. Là. Ouais. On en a 4 à date. Les Alouettes, quelle performance décevante au BC Place. On avait une troisième chance de finir premier dans le classement général. Dans l'Est, faut croire qu'on ne désirait pas tant que ça du côté des Patriots. Les Alouettes. Défaite de 43-1, donc merci. 43-1? Merci les règlements du football canadien pour les simples qui nous permettent de ne pas être blanchis dans cette partie-là. C'était un spectacle triste. Comme on dirait dans les cercles masculins, une disgrâce. Une grosse disgrâce. J'en parle pas plus, ça vaut pas la peine. Mais les Alouettes vont donc affronter les Tiger Cats d'Hamilton. C'est la semaine prochaine du côté du Stade Olympique. Ouais. Allez voir ça, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le football, qui vont se présenter là et qui vont crier quand c'est pas le temps et être silencieux quand c'est le temps de faire du bruit. Donc c'est souvent le cas, c'est souvent ce qui arrive du côté du Stade Olympique. Beaucoup de non-amateurs qui vont se présenter là. Mais au moins ils se présentent, ça. Ouais, peut-être, ça permet de mettre un peu d'argent dans les coffres de Robert Whittenall, mais quand même, je me souviens l'an passé, l'annonceur maison là, qui a dû... Jacques Moreau qui a dû dire aux gens de s'il vous plaît, lorsque les Alouettes sont à l'attaque, on ne fait pas de bruit. Ça fait très amateur. Ouais, mais les gars, ils se comprennent pas. C'est sûr. Ben, ça fait très amateur. Sûr, mais au moins, ils sont là. Tu peux pas leur en vouloir parce qu'ils connaissent pas ça. Là. Ben, ils sont là où? Ben, dans les estrades. Les estrades. Ils se sont déplacés. Ils veulent. Tu sais, ils veulent. Mais pourquoi ils sont allés là, premièrement, s'ils connaissent pas ça? C'est pourquoi? Non, mais ils veulent vivre une expérience. Ouais. Ils veulent peut-être très commencer. Très bonne question, Mathieu. Montréal est une ville d'événements. Ouais. OK? Montréal. Et justement, c'est un événement dans le sens où ils sont au stade c'est olympique. C'est ça, mais c'est un événement. C'est au stade olympique, c'est une fois par saison. Ils jouent au bégo. Et c'est la finale de l'Est. Très souvent, la finale de l'Est, dans ce cas-ci, demi-finale de l'Est. Montréal est une ville d'événements. Donc, à partir de là, plein de monde qui connaissent absolument pas le football vont se présenter là, vont aller voir ça. Mais même au stade Percival Molson, beaucoup de non-amateurs de football. J'ai eu des amis qui ont déjà été parce qu'ils avaient obtenu des billets ou ils ont décidé d'y aller, puis ça m'appelait pour me demander les règlements, pourquoi c'était comme ça. Pourquoi ils ont gagné comme un ça. Concours à radio, quelque chose. Ben, des non, choses mais... comme ça ou non, mais même, c'est parce que c'est beaucoup de compagnies, beaucoup de compagnies ont des billets de saison, on met ça assez à ça. Mais Montréal n'est pas une ville de football. Montréal, à vrai dire, n'est pas une ville de sport. On va arrêter de se leurrer. Ben, ça dépend. C'est une ville du Canadien de Montréal. That's it, that's all. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez une ville de sport, parlez-moi de Québec, là, on va parler un peu plus. Bon, on va switcher au Canadien, hein, parce qu'on en parle que c'est une ville de Canadien de Montréal. 2 matchs cette fin de semaine. Vendredi soir, victoire de 2-1 des Canadiens contre les Sénateurs d'Ottawa. Et contre les Rangers, samedi, c'était un peu moins facile. On a surtout eu affaire avec des arbitres qui étaient plusieurs décisions douteuses. Donc, victoire de 5-3. Pénalité par-dessus pénalité. Pénalité par-dessus pénalité. On a mal commencé aussi du côté du Canadien. Une pénalité douteuse à Mike Blondin. Bon, qui sort du banc. Frappe Brandon Dubinsky. On lui donne un 2 minutes pour trop d'hommes sur la glace et un 2 minutes pour obstruction. Écoute, fait un choix, là. S'il était trop, parce que Dubinsky avait la rondelle, pourquoi il y a une pénalité? Parce que il l'a frappé avec la rondelle parce que c'était l'homme de trop. Dans ce cas-ci, c'est une pénalité pour homme de trop. Ouais, c'est ça, pas les deux. C'est une bonne mise en échec, là. J'ai l'impression que du côté des arbitres, là, le problème, là, on a voulu tellement faire un j'ai juste le terme en anglais, un crackdown, vraiment, là, sévère sur tout ce qui est coup à la tête, coup. On a fait tellement peur aux arbitres que là, on sévit pour rien. On le voit dans le junior majeur. Il y a eu des pénalités, là, puis des suspensions à long terme, 5 matchs pour des choses qui en auraient même pas mérité une, là, 2 ans. J'ai hâte qu'on trouve un juste milieu là, par rapport à ça, parce que c'est plate, parce que ça prive un peu là, d'un bon spectacle, tout simplement. Ça prive d'un bon spectacle. Donc, défaite du Canadien, c'est pas grave là, quand même là, du côté des Habs. Là, on n'est pas dans le trouble tant que ça. Là, la saison est encore jeune. C'est sûr qu'on était sur une série de 5 victoires de suite. Là, c'était terminé. Ouais. Je vous dis au classement, là, je dis 5 victoires de suite, par contre, c'est 4 victoires de suite. Donc, on est encore 12e au classement. 5 victoires, 6 défaites, 2 nuls. Donc, on est à 3 points d'une place pour faire les séries. Comme je vous dis, faut pas trop s'en faire. Là, c'est de bonheur dans la saison. Ouais. Dites-vous que les champions de la Coupe Stanley, les Bruins de Boston, sont derniers présentement là, dans l'Est. Donc, ça va bien. Et leur semblable dans l'Ouest, les Blue Jackets de Columbus, sur le bord de mettre leur entraîneur dehors. Les Blues de Saint-Louis, qui sont tout juste en avant d'eux, ont mis leur entraîneur dehors. Ouais, c'est fait. Davis Payne parti. On a ramené le vieux Ken Hitchcock. Hey, mais comment ça, lui? Écoute, je comprends pas. Pis sérieux, moi non plus. Je comprends pas parce que Ken Hitchcock, c'est un vieux de la vieille. Ouais. C'est un vieux de la veille. A gagné la Coupe Stanley avec Dallas, a fait des bonnes choses dans la Ligue nationale, mais de plus en plus, les équipes de la Ligue nationale, ils vont avec de jeunes entraîneurs motivés, avec des nouvelles idées. On voit ce que ça donne du côté de Tampa Bay avec Guy Boucher. Là, on revient avec un vieux de la vieille, Ken Hitchcock. Allez, peut-être. Il va en être à sa 4e équipe de la Ligue nationale, lui qui a dirigé du côté de Dallas, Philadelphie et Blue Jackets. D'ailleurs, plusieurs rumeurs l'envoyaient avec les Blue Jackets. Non, ça va être avec les Blues de Saint-Louis, finalement. Bon, on n'est pas perdu. Hey, merci, on parle boxe. Oui. Tu me disais... Gros combat en fin de semaine? Pas gros. Marketing. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ça se déroulait à Québec. Tous les combats de Luciano Bouté se déroulent à domicile. Donc, on a la foule. Et je veux pas une foule à la boxe. Ça peut influencer les juges. C'est une... La boxe, c'est une discipline subjective qui est évaluée de façon subjectivement. Donc, si t'as 15-20 000 personnes qui te crient dans les oreilles parce que c'est un bon coup... Il vient d'en placer un, ouais. Pourtant, il l'avait pas placé. Tu sais, ça se peut qu'il ait été bloqué, mais bon, le juge a fait... Ben, tu vois ce que tu vois, là. Tu sais, tu peux pas... Et t'entends ce que t'entends. Ouais. Donc, une victoire de Luciano Bouté, là, très aisément contre Glenn Cuff Johnson. Bon... On me demande, est-ce que Glenn Johnson est un bon boxeur? Hey, est-ce que Glenn Johnson, c'est un bon boxeur? Merci, Mathieu. T'es à la coche. C'est pas un mauvais boxeur. Écoutez, c'est pas du type jambon comme Luciano Bouté a pu l'affronter dans ses derniers combats. Par contre, c'est un boxeur de 42 ans. Ouais, il va avoir 43 ans dans quelques jours. Mais tu le vois aussi. Ben, c'est ça, il est frippé un peu. Oh, ouais. Il était frippé un peu. Il est dans bonne shape, par exemple. On va savoir cette shape-là à cet âge-là. Ah non, c'est sûr. Peut-être pas son cerveau, dans le sens où... Non, il doit être magané un peu. Un petit peu. Mais écoute, Glenn Johnson, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, Glenn Johnson... Hey, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de... Ben là, tu me le dis, là. Non, pour sûr, j'ai pas dit « demande-moi », là, c'est différent. Glenn Johnson a quand même participé à titre de relève cette année au Super Six. Donc, qui est une compétition entre ce qui devait être les 6 meilleurs boxeurs de la discipline qui s'est déroulé dans les 3 dernières années. Et on l'a appelé, Michael Kessler a été blessé au suite de Kessler, il avait affronté Eric Luka, entre autres, qui a été blessé à l'œil. On a appelé Glenn Johnson en relève. On a remporté un combat là-dedans contre Alan Green. Donc, c'est pas mauvais. Alan Green qui avait une fiche de 29-2 à ce moment-là. Par contre, c'est incliné contre Carl Froch. A aussi affronté Tavares Cloud, Chad Dawson à 2 reprises. C'est toutes ces défaites-là avec Luciano Bouté. 5 défaites lors de ses 10 derniers combats. Là. C'est toutes des défaites contre des méchants bons boxeurs. Disons-le comme ça. Mais c'est un boxeur en fin de carrière. Et du côté de Luciano Bouté, du côté des Américains, j'ai écouté le combat sur Showtime. On était très impressionnés par la performance de Lucien Bouté. Comme à toutes les fois, on dit « Ah, j'étais impressionné par la performance. » Souvent, on va dire ça. On se rend compte que c'est pas juste un bon boxeur, mais qui profite surtout de mauvais adversaires. Il est bon, il a fait des bonnes choses contre Glenn Johnson. Est-ce que ça l'a redoré son image? Peut-être un peu, peut-être pas. Mais là, j'ai hâte de voir qui va gagner le Super Six. La finale, c'est entre Carl Froch et Andrew Ward. Et puis lui, il veut le gagnant. Il veut le gagnant. Il veut les deux ceintures. Je pense que parce que là, il va avoir trois ceintures, à vrai dire. Okay. Du côté du Super Six, on va avoir le titre IBF. Non, pas vrai. Le titre WBC et le titre WBA des Super Middleweight en jeu lors de cette finale-là. Donc, le gagnant remporte les deux titres. Okay. Et ensuite, on parle beaucoup d'un combat contre Lucien Bouté. Je dis qu'il va sûrement avoir un combat entre Bouté et un autre adversaire. On va sûrement y aller avec un jambon, juste pour garder le jeune, ben le jeune, notre ans. Mais la finale du Super Six, c'est quand? Ça se déroule à Atlantic City? Attends une minute, je te dis ça dans deux petites secondes. Ça va se dérouler du côté d'Atlantic City au Boardwalk. Oh! C'est content de Reward, comme je disais, c'est le 17 décembre. OK, 17 donc, décembre, ça s'en vient quand même. Un mois. Je sais que l'équipe Bouté, en tout cas, va se présenter là. Ah ben, c'est sûr. C'est ça, préparez-vous, là, parce que tout de suite, Bouté va vouloir attirer un petit peu d'attention. Ah, tout de suite. Mais ça serait le premier vrai adversaire de calibre international en forme que Bouté affronterait lors de cet événement. Est-ce que tu penses qu'il pourrait sortir gagnant? Oui, possiblement. Ouais. Là, je pense que c'est un bon boxeur, Lucien Bouté. Par contre, comme je dis, j'ai hâte de le voir contre des bons boxeurs. Et éventuellement, bon, on extrapole, là, on imagine. Lucien Bouté l'emporte contre Carl Froch, bon, qui avait remporté, surtout avec trois ceintures. Il ne faut pas rester dans cette discipline-là très longtemps. Non, ça soit dans cette catégorie de poids-là. Il va peut-être affronter, mettons, Andrew Ward après. Prendre contre le finaliste, contre le gagnant. Mais ensuite, on parle beaucoup pour lui de monter de poids, d'aller dans la catégorie des Chad Dawson, Bernard Hopkins. Là, on se souvient là, que quelques semaines, là, que ça avait donné un combat plutôt triste. Jean-Pascal aussi. On parle beaucoup de montée de poids parce que, ben, gars, comme la plupart des boxeurs, tu montes de poids un moment donné pour trouver un petit peu plus d'adversaires de calibre. OK, c'est ça. Et lui et Jean-Pascal, est-ce qu'ils sont dans la même... Non, il y a une catégorie de poids. C'est-à-dire que Jean-Pascal... Dans l'équipe, non, je sais que c'est Interbox. Non, Interbox est avec Bouté. Jim sont avec Jean-Pascal. OK. Donc deux organisations rivales. Pour avoir un bon combat à Montréal ou à Québec... Ça se fera pas. Non? Pourquoi? Parce que c'est pas à l'avantage d'aucun des deux de se prendre présentement. Mais en gym et Interbox, c'est pas d'animosité, non? Ça se montre bien. Mais il y en a déjà eu un peu à l'époque, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup maintenant parce que on travaille très bien. Les deux équipes ont réussi ça. Hey, écoute, à faire des gros gars-là. Oui. Puis on est au Québec aussi. Ben, c'est pas juste ça, là. Boardwalk Hall, où va avoir la fin du Super Six, va peut-être avoir 7000 personnes, 8000 personnes. Il y avait 15000 personnes à Québec pour voir Glenn Johnson et Lucien Bouté. Vraiment, là, on fait une super job présentement pour faire de la promotion des combats. Et écoute, c'est un combat plate. Là. Je suis plein ceux qui ont payé 600$ pour être en avant. Là. Je suis par terre. Là. Okay? C'était plate. En plus, Glenn Johnson a déjà été ce qu'on appelle un sparring partner, un partenaire d'entraînement de Lucien Bouté. Ça avait l'air de deux amis qui n'aimaient pas ça se taper trop fort sa marque boulette. Donc... ça n'a pas été fameux. Mais gars, on va voir ce que ça va donner. Et je pense que la prochaine année... prochaine année et demie va être très, très importante pour Lucien Bouté et ça va nous révéler si c'est un boxeur de cette trempe-là, de trempe internationale, trempe des plus grands champions, ou si, ben, en effet, il avait profité d'adversaires un petit peu moins bons. Formidable. Merci, les gars de charme. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'aimerais ça qu'une fois, on parle de UFC. Ouais, je suis pas un expert. Non. Moi non plus. On va regarder là, ce qui s'en vient éventuellement là, lorsque le GSP, son dernier combat, est annulé, mais on va en parler éventuellement. Je vais essayer de te faire de quoi, de te prendre de quoi, mais je suis pas un expert là, dans le domaine. Parfait. Je connais ça, mais pas tant que ça. Bon, moi aussi, je suis pas vraiment pas. Bon, donc lundi prochain, à 8h30, notre chronique sportive. Exactement. Avec Nicolas Ducharme de l'Écho. Cool. De Trois-Rivières. Et qui adore ça, hein? On peut le voir dans sa face. Ouais. Ben, moi, je pense que l'Écho doit être contente parce que, je veux dire, on dit le nom trois fois, fait que c'est encore plus, tu sais, non? C'est plus de pub. Ça va avoir une toune, sûrement. Ouais. J'ai aussi la conclusion de l'émission parce que c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Demain, à l'émission, François, à 8h, qu'est-ce qu'on a? À 8h, Stéphanie Gagné? Oui. Tu me parles de ton plat favori? Ouais, à 8h30. Ensuite, ce sera la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourret, chronique littéraire. Elle va nous lire un livre en ondes. Ça fait longtemps? Oui, ça fait un mois. Ouais, c'est sûr. Environ un mois. Ça va être très, très intéressant. C'est une critique de livre. C'est une joke. Elle ne lira pas le livre au complet en ondes. Est-ce qu'il y a encore des livres? Ça, ça existe ouais. encore. Il y a des livres électroniques, entre autres. OK, aussi. L'iPod. Ouais, ouais. iPod full touchscreen power. Je comprends. Donc, c'est demain à 7h. Restez sur nos ondes pour l'émission Melon Miel et Chou de Bruxelles avec Alexandre Laramie-Zouéki et Jean-Philippe Charbonneau. Ils vont nous passer de la bonne musique et nous discuter de sujets là, des plus palpitants, c'est certain. Ensuite, à 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, je serai de retour de l'au-delà avec la rediffusion des Palmarès C'est fou. Et puis, à 16h, on revient en direct avec Le Boudoir. Et de la musique émergente, puis du rock progressif avec le rock, le prog et le planant. Le voyage de cette à 19h et Catalepsie avec Simon Fitzbé à 20h. Restez à l'écoute pour ça. On se quitte avec du bradycardie et leur extrait Simon Cœur. Hein? On quitte relax comme ça pour laisser la place au soleil de Melon Miel et Chaud de Bruxelles parce qu'ils sont tellement ensoleillés. Oui, et nous, on va être là demain matin. C'est ça. Pas ensoleillé. Oh, un petit peu quand même. Mais nous, tu commences à faire clair le matin. Bon, ouais, ça lève, ça lève. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée, Nicolas. Oui, merci, Nicolas. Bonne journée, messieurs. Merci, Xavier. Merci, Kiwan. Merci à vous tous d'avoir été là. Bye. Le soleil dort.